questions et pour prévoir à tous. Je voudrais juste indiquer que la présence de Philippe, qui n'a pas participé aux 4 volumes de théorie politique, elle a tout son sens ici, et tu viens vraiment d'en faire la démonstration par rapport au volume qui vient après. Parce que après les 4 volumes sur théorie critique, on a décidé collectivement de travailler sur la thématique de l'enfance. De l'enfance à l'époque, c'est ainsi qu'on a titré en fait notre appel à contribution, et j'ai l'impression qu'on y tient. L'enfance à l'époque de l'humanité superflue. Je trouve que ta présentation et ta conclusion est un excellent tremplin pour passer de la théorie critique à la pensée de l'enfance. C'est une bonne question. Monsieur Châtelier. J'ai une question qui me taraude en fait depuis ce matin, donc qui s'adresse pas spécifiquement à Guillaume et à qui s'adresse aussi à Marc Pertet et pardon pour le nom, j'ai oublié. C'est-à-dire que la question que je me pose, c'est que j'ai l'impression que très rapidement, derrière le processus de la fétichisation et de la réification systématisée par l'ère industrielle, puis l'ère post-industrielle, aujourd'hui cybernétique, on est arrivé à un renversement phénoménologique où le sujet qui advenait dans la rencontre par l'altérité et qui faisait donc corps social est devenu aujourd'hui un objet qui cherche par les outils, par les puissances de calcul, alors ce que tu disais sur les sites de rencontres amoureuses, c'est-à-dire que le sujet devenu objet ne cherche plus l'altérité, mais cherche son semblable. Et donc, voilà, alors c'est une question philosophique. Il me semble que là, j'ai pas de réponse. Je prends des notes et quand je relis très vite, de façon très succincte, les notes que j'entends de ce que vous dites, j'entends ce continuum commun aux 4 interventions. Alors, celle de M. Godard est un peu différente. J'y reviendrai tout à l'heure dans une autre question. Mais voilà, est-ce que dans l'idéalisme allemand, globalement, dont finalement on reste un peu des héritiers, même si l'idéalisme, l'hégélianisme et le marxisme rationalisés, parce qu'Adorno et Horkheimer, tout en contestant les finalités de la rationalisation instrumentale, restaient des scientifiques. Il s'agit quand même de construire un savoir en sciences humaines, objectivé. Bon, la question c'était quelle finalité éthique. Bon. Et à vous écouter, je me dis, mais voilà, d'une éthique du vivre ensemble pour rencontrer l'altérité, on est arrivé aujourd'hui à une non-éthique du vivre pour trouver son semblable. Alors, on trouve son semblable dans des multiplications des machines de calcul qui peuvent produire, vous l'avez très bien montré, dans l'espace et le temps, du semblable, dans la rencontre amoureuse. Et donc, voilà, ma question, c'est ça. Est-ce que ce renversement phénoménologique est irréversible? Mais je suis pas dans la praxis pratique ou politique. Est-ce qu'il y a quelque chose d'irréversible d'un point de vue conceptuel? Je sais pas si je peux ajouter une chose, parce que ça va un peu dans le même sens. J'ai senti quelque chose, je trouvais ça très intéressant, les deux premiers exposés, parce que ça m'a fait penser à l'idée, en pensant à Grégoire Chamaillou aussi, que tu cites dans ton texte, qui développe une idée qu'on serait dans non plus dans une société disciplinaire à la Foucault, ou une société de contrôle décrite par Deleuze, mais une société qu'il appelle société du targeting, Et tu utilises le mot, parce que je cherchais le mot en français, quelque chose qui serait moins spécifique aux stratégies militaires, puisque vous travaillez sur le drone, et qui serait une société du profilage. Et j'ai l'impression que c'est le même changement de paradigme qui se dessine et qu'on sent dans vos interventions. C'est-à-dire que si on suit Foucault, la société disciplinaire était basée sur l'individu comme élément dans la masse, où les signatures individuelles, ou la numérotation administrative fonctionnent comme caractéristiques de l'individualité, ce qui correspond un peu à la période du hardware que tu dis avec les digits sur le, qui servent de numéro de traitement des déportés. Et la société de contrôle, par exemple, par contre, chez Deleuze, dit que c'est plus la société de l'individu, mais du dividu, c'est-à-dire des segments de population, des marchés, des bases de données, ce qui correspond à peu près à la société du network, des trois tiers, du stockage, du circuit, la circulation des informations. Il y a un processus de contrôle dans un milieu ouvert qui fonctionne par code et par mot de passe comme condition d'accès, pour le côté, disons, du pouvoir. Et là, dans vos interventions, on a l'impression qu'on change de paradigme du pouvoir. Moi, j'ai des problèmes similaires un peu à travailler toujours sur les fantasmagories du capital et sur la manière dont on s'adresse aux visiteurs en lui proposant des styles de vie qui correspondent à des fantasmagories de la personnalité qui ressemblent un peu à ce pouvoir que Deleuze. Et, enfin, qui est en tout cas entre deux zones, celle qu'on pourrait appeler la société du targeting ou société de profilage, qui est un bon mot, je trouve, qui fonctionne assez bien, où il ne s'agit plus d'individus ou de dividus, mais des choses qui sont entre les deux, des sortes d'individualités chronogéographiques, on prend un terme de Chamaillou. Par exemple, cette réunion de village qui est anormale, ces individualités comme objet à la fois de connaissance, donc on sait qu'il y a ces individus-là, et d'intervention, on va frapper. Et c'est la même chose dans le profilage, dans le cadre du sentiment amoureux. On essaie de déterminer des profils d'individus qui ne sont plus vraiment des individus en tant que tels, soumis à une société, par exemple, disciplinaire, ni des individus, c'est-à-dire un ensemble un segment de population, mais quelque chose encore, une sorte d'individualisé modélisé, quoi, ou d'individu profilé. Et là, c'est un peu l'envers, tu vois un changement phénoménologique, et là je vois un changement dans le paradigme du pouvoir, parce que ça ne veut pas dire que c'est seulement ce pouvoir qui va s'imposer là, mais c'est comme un troisième type de pouvoir qui vient se superposer, comme tu dis, les dataware se superposent au netware et au hardware et au software, et là on a l'impression qu'il y a un nouveau type de pouvoir qui s'organise à partir de cette masse considérable de données qu'on a pour pas cher, dans laquelle il faut arriver à détecter des cibles, que ce soit une cible militaire ou une cible amoureuse, quoi. Par analyse de ses comportements profilés, personnellement profilés. Et parce que ça m'est venu un peu comme ça en vous écoutant, et j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne par rapport à ce que vous êtes en train d'élaborer dans vos propres travaux. Parce que tu disais qu'il y avait par exemple une mise en commensurabilité des mots. En fait, c'est aussi une mise en commensurabilité des temps et des espaces. Ce qui se passe aussi, et ce que tu n'as pas mentionné, c'est que, ou alors peut-être que tu es un peu absent, c'est que dans les logiciels qui sont proposés pour rencontrer le partenaire amoureux maintenant, il y a aussi des logiciels qui permettent de savoir si le partenaire amoureux potentiel est proche ou pas, avec la géolocalisation. Donc là aussi, on a un profilage qui est maintenant chronospatial, quoi. Et là ou pas, à tel moment, à tel ou tel moment. Et voilà, bon, c'était pour ajouter un petit peu On peut prendre quelques remarques comme ça pour que vous puissiez faire des réponses. Alors moi c'était plus spécifique à ce que disait Ronan sur la virtualisation du sentiment amoureux et il y a beaucoup d'espace. Bon, j'étais étudiant à Sciences Po et je suis en train d'écrire quelque chose là-dessus. À Sciences Po, il n'y a pas de... Enfin, la rencontre amoureuse, pour le coup, elle ne se fait pas du tout de manière virtuelle, mais de manière très concentrée. voilà. Même s'il y a une dimension virtuelle a posteriori. C'est plus une... Pour le coup, une... on peut utiliser le concept de Debord dans ce sens-là, mais une forme de spectacularisation, c'est-à-dire que c'est plus, au sens de la première thèse, hein, tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation, c'est-à-dire que les individus de manière générale, hein, il n'y a pas de cas Sciences Po, hein, mais sont sont pour reprendre le un concept qui est de celui de Marx, se mettent des masques de caractère où Holloway appelle, enfin voilà, parle plus généralement de masque, voilà. Et la rencontre amoureuse, quand elle se fait pas de manière virtuelle, c'est pas pour autant qu'elle est la vie au sens de Michel Henry, l'intersubjectivité, mais peut se faire aussi entre deux masques qui représentent de la richesse, de la réussite sociale, une esthétique capitaliste en termes de vêtements, etc., etc. Et pour le coup, c'est pas une virtualisation, mais pour le coup, ça aboutit à la même chose, c'est-à-dire, et d'ailleurs, dans l'article que vous avez écrit collectivement sur les nuits industrielles, pour le coup, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que les individus dans la nuit industrielle, ou même le jour industriel, nous des relations par rapport à des bon, ça va être la femme qui va se réifier dans une ce que Scholz parle de la dissociation valeur, c'est-à-dire la femme comme doit renvoyer une image malgré tout de soumission comme objet de consommation sexuelle, etc., etc. Et cela même dans des strates où on croirait que la dissociation valeur sexuelle elle a disparu, je veux dire à Sciences Po, où toutes les femmes vont pourtant gagner quand même 3 000 euros par mois ou 4 000 euros par mois. Les femmes de Sciences Po, elles s'identifient la figure mâle. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, en gardant quand même des caractères de la figure femme, c'est-à-dire la soumission. Oui, c'est ça. Mais, et donc, finalement, la disparition du sentiment amoureux, pour reprendre le titre de ton exposé, c'est la disparition de... C'est pas seulement la virtualisation, mais c'est aussi la négation dans la vie réelle de l'intersubjectivité amoureuse, puisque c'est des masques qui se rencontrent et qui ont d'ailleurs tendance à se consommer. C'est pour ça que ça merde de plus en plus. Fromm le disait déjà, d'ailleurs, dans son livre L'art d'aimer, bon, même si par certains aspects, il est contestable. Mais, il y avait au moins cette franchise de remarquer que d'ailleurs maintenant les sociologues comme Eva Illouz parlent de marché de la relation amoureuse, c'est même plus voilà, où c'est de l'individu, où c'est le paradigme. On parlait beaucoup de profilage, de calcul et tout ça, c'est ce qu'on a, c'est la microéconomie, mais c'est pas la microéconomie à un niveau scientifique. Là pour le coup, c'est la microéconomie réalisée dans le monde. Et ça, pour finir, cette négation de l'intersubjectivité amoureuse, elle provient aussi du fait que les individus ont de plus en plus de mal aujourd'hui à confronter autre chose que leur masque, parce qu'il y a un appauvrissement de la subjectivité. Et ça, c'était l'exposé que je vais nous faire Anselme sur le narcissisme, comme le fait qu'on se suspende, et là je finis sur ce que tu disais, sur que dès l'école, et même avant, avec la virtualisation, l'enfant doit suspendre sa subjectivité vivante, au sens de Michel Henry, au profit de ce qu'on pourrait appeler le masque scolaire. Voilà, il doit intérioriser un certain nombre de dispositions, au profit, mais aussi de ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas moi, le masque sociétal spectaculaire. Il faut être habillé d'une telle manière, il faut parler d'une telle manière, il faut être conforme, il faut être positif, il faut être fun. Je disais Gérard à propos du guide... on n'a pas le droit de citer. voilà, c'est peut-être... C'est un petit peu cette disparition du sentiment amoureux. Elle procède, si on va vraiment à la racine des choses, entre guillemets, à l'homme lui-même, de la négation de la vie par ces masques qui sont les masques de la société capitaliste. Les masques du travail, le masque scolaire, comme c'est le masque du pré-travail, entre guillemets, et le masque spectaculaire, qui est le masque de la consommation de marchandises. Et on fabrique ainsi des sujets qui sont parfaitement adapté au travail et à la consommation, mais qui du coup ne sont plus capables d'intersubjectivité amoureuse, et qui du coup, comme ils refoulent leur vie qu'ils ne peuvent pas développer, tendent tendanciellement au néant, au vide, à discuter de banalités, à ne se renvoyer que leur propre image de masse, ou la progression. Sauf que ça peut aussi fonctionner. Oui, moi, sauf que ça fonctionne parfaitement. On n'est pas forcément malheureux. Et avant de vous rendre la parole, je voudrais ajouter quelque chose. Il faut aimer Big Brother. Il aimait le héros, mais il faut parce que sinon ça suffit pas. C'est-à-dire que d'ailleurs on parle un peu de l'amour peut-être de façon un peu étriquée, parce que aimer un enfant, c'est pas être un pédophile. Qu'est-ce que c'est que l'amour aujourd'hui, de même que tu as parlé, tu as essayé de définir ce que c'était l'enfant, il faudrait peut-être définir aussi ce que c'est que l'amour. Je me souviens dans l'Hystérique et le médecin, Israël dit aimer, ça vient de amorer, et ça s'oppose au professionnel. Aimer, il y a une dimension subjective en plus. Et en écoutant Guillaume, en écoutant Renan, et puis Je pensais à la question du totalitarisme, parce qu'elle n'a pas été évoquée. Mais finalement, le totalitarisme vise à ce qu'il ne reste rien, à ce que rien, plutôt, n'échappe. Donc on ne veut pas qu'il y ait de reste. On ne veut pas qu'il y ait de reste. Et la commensurabilité, telle que tu en parles, on a l'impression qu'il y a une gradation en quantité et en qualité avec ces sauts qualitatifs dont tu as parlé, et qu'à chaque fois, alors au début ce sont des informations, et puis on voit bien que petit à petit, on vient sur ce qui relève de la subjectivité, jusqu'au langage, jusqu'au mot, et jusqu'à la pensée, mais en fait on liquide la pensée, puisqu'on peut produire du savoir sans penser le savoir. D'ailleurs, vous avez pensé à cette histoire d'autocroissance chez Hulot. Alors il y a l'obsolescence, l'ambiance, mais cette espèce de système qui s'auto-accroît indépendamment de quelque volonté que ce soit. Et donc, est-ce que ça peut fonctionner, la question du totalitarisme? Mais, tu dis Philippe, tant qu'il y a des enfants, il y a du reste. Et ce midi, en discutant, moi il y a quelque chose qui... Je disais, est-ce que c'est pas l'ordre du fétiche, cette histoire du vide là? C'est le vide, c'est le néant, ça fonctionne pas... moi quand j'ai les mots en face de moi, les miens ou ceux des autres, je vois pas du vide. Ils peuvent bien être avec leurs appareils, ils peuvent bien être dans la fascination, mais je vois pas le vide, parce que le vide, ça passe pas à l'acte. Quand j'ai un ado en face de moi et que je me demande s'il va me sauter à la gorge, c'est pas du vide que je vois dans mon salon. C'est son histoire à lui, son histoire éclatée, son histoire sans récit. Mais voilà du reste. Et l'ado, potentiellement à moque, il échappe encore au totalitarisme. Et puis à un moment donné, où il sera plus potentiellement amok, peut-être qu'il va devenir vide quand il va vraiment s'inscrire dans un parcours scolaire pour espérer décrocher un boulot. Et effectivement, là, est-ce qu'on peut pas... Alors, ça me fait penser aussi à Hannah Arendt qui parlait de la spontanéité. À un moment donné, je sais plus où c'est, mais c'est pas très loin de la notion de la superfluité. Elle dit le totalitarisme, c'est quand les hommes sont devenus superflus. Oui, alors elle parle pas de la superfluité, mais des hommes superflus. Et juste avant, je crois, dans le texte, elle dit c'est quand on a tué en homme toute trace de spontanéité. Alors spontanéité, ça peut être un concept un peu bâtard, parce que spontanéité, ça peut être aussi l'habitus. Moi, je suis spontané, je reproduis tout ce qui me surdétermine. Mais chez les gosses, qui ne sont pas encore surdéterminés, il y a quelque chose qui joue de l'ordre de la spontanéité. Et en tant qu'adulte, qui pouvons observer des mômes rentrer dans une école à 3 ans ou à 2 ans et demi, on a cette angoisse. Quand on pense être un pédagogue et du côté de l'émancipation, on a cette angoisse, on se dit « Mon Dieu, c'en est fini. On va travailler à tuer en lui sa spontanéité. On va faire de l'histoire de l'art, mais on va pas faire le créateur de vie. » Alors est-ce que ça peut fonctionner, le concept de totalitarisme, est-ce qu'il peut fonctionner avec cette histoire d'accumulation? Parce qu'il y a aussi une histoire d'accumulation. On voit bien là qu'on n'est plus uniquement sur la valeur capitale. On est sur la question d'accumulation, de domination. Est-ce que ça peut fonctionner, cette histoire de totalitarisme, de reste, dans les différentes choses que vous avez proposées? Juste pour revenir sur le concept de spontanéité chez Arendt, en fait, elle ne le prend pas vraiment de la même manière qu'on le prend aujourd'hui. C'est plutôt, justement, justement dans le contexte, on en parle juste avant, c'est le sujet idéal du régime totalitaire n'est pas le communiste intégré ou nazi conclu ou je ne sais quoi, mais justement l'homme qui a perdu toute spontanéité. Donc en gros, c'est elle parlait du communiste qui finalement n'avait rien à faire de voir un des siens se faire buter ou non, ou subir lui-même la violence du parti, mais qu'au fond, tout ce qu'il souhaitait, c'était rester dans le parti. Le manque de spontanéité chez la reine, c'est en fait c'est le manque de lien avec la subjectivité, finalement. C'est pas un lien avec l'habitus, ou je ne sais quoi. Et du coup, ça revient un petit peu à ce que disait Romain, justement. Il y a quelques petites remarques que je voudrais faire, et puis c'est vrai que ça reprend un petit peu en écharpe ce qui a été dit. D'abord, par rapport à ce que j'ai entendu de Romain, c'est vrai que tu parlais de masque. Je dois reconnaître que l'utilisation du mot français masque me gêne toujours un petit peu, parce que à l'origine, quand Marx parle de un masque, c'est le personnage de théâtre. C'est ni plus ni moins. Donc on dit le masque de personnage. Masque de personnage, ok, masque, un peu moins ok, surtout quand on a l'impression que, en fait, il faut imaginer ces masques comme étant des personnages, mais le véritable metteur en scène de ces personnages, c'est, ben, nous on appelle ça la valeur, mais c'est vrai que c'est sûrement pas les gens qui se posent des masques. En fait, c'est des masques qui leur sont posés dessus. Oui, mais ça, une chose. Alors, et c'est vrai qu'à cet égard. Mais après, ils sont obligés de s'identifier structurellement parce que s'ils ne s'identifient pas, ça devient des inadaptés. Si on ne trouve pas le masque scolaire, on est en échec. Et c'est vrai qu'on revient un petit peu sur cette idée que ce que Freud appelle le principe de réalité. Oui. À un certain moment, l'enfant lui dit maintenant, tu es un grand. Quoi. Maintenant, ça va bien. Quoi. On t'a laissé faire ce que tu voulais, maintenant, tu es un grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, tu vas rentrer dans ce qui est la mutilation de l'adulte. À savoir que, bon, on avait accepté que tu jouais tout ça, maintenant, il y a des règles, et c'est vrai que ces règles, c'est les règles de la société, elles n'acceptent que des adultes mutilés. Et c'est vrai que quand il est des, l'enfant, c'est quelqu'un qui n'est pas adulte et qu'il ne faut surtout pas mutiler, ça revient, il n'empêche que on passe tous par cette machine. Pourquoi? Parce que tout simplement, la société veut que nous ne soyons que des morceaux mutilés. Ce qu'on appelle classiquement un prolétaire, c'est quelqu'un qui n'est considéré que en tant que force de travail. Le reste, on s'en fout. Et qu'on peut aussi considérer d'autres choses. Et c'est là que ça devient intéressant, l'espèce de normatisation informatique qui donne par exemple les logiciels de la rencontre. À savoir que en fait, il ne s'agit pas de faire se rencontrer des gens qui sont des gens non mutilés. Il s'agit d'additionner toutes leurs mutilations. Et puis disons, voilà, on va faire coller. Mais finalement, c'est encore pire. C'est encore pire. Parce qu'il y a un cas. Parce que, effectivement, tout le monde n'est pas mutilé aussi facilement. Il y en a qui résistent. Et c'est vrai aussi qu'il nous arrive parfois, il nous est arrivé de rencontrer des gens qui, justement, se battent contre la mutilation. Et là, effectivement, quand on rencontre quelqu'un qui n'est pas mutilé, eh bien, le symptôme de cette rencontre, il est évident, on tombe amoureux. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est important. Et on avait, bon, tu as cité Debord, donc il savait écouter, et c'est vrai qu'au sein des études dont on peut penser ce qu'on veut, il y avait au moins quelque chose, à savoir qu'il ne voulait pas rencontrer des gens qui se reconnaissent comme mutilés. Parce que le pire, c'est qu'on se reconnaît comme tel. Comme disait Grand Barbu, maintenant, on n'a plus de relation qu'à travers la marchandise. C'est-à-dire que maintenant, non seulement on vend et on achète, mais on se vend et on s'achète. Maintenant, quand on a été coaché pour une rencontre, un entretien d'embauche, est-ce que je me suis bien vendu? Ah bon, t'es une marchandise? Et effectivement, on a complètement intériorisé cette chose-là. C'est-à-dire que la mutilation des hommes, la mutilation des êtres humains, elle est intériorisée par les êtres humains eux-mêmes. C'est qu'en fait, maintenant, on ne se vit même plus comme tel. Et là, effectivement, il y a le problème de... À savoir qu'il y a des gens qui intériorisent plus facilement que d'autres cette mutilation. Je suis une marchandise, je me vends, c'est-à-dire, quand je suis acheté, c'est bien, et je dois être vendu cher. Okay. Et puis, il y en a qui ne veulent pas, qui résistent. veux dire. Alors peut-être qu'ils interprètent ça, et c'est pas important. Ils veulent encore être à cette époque bénie où on n'était pas encore mutilé. C'est vrai que tu définis ce que tu entends par mutilé, parce que quand tu as dit tout à l'heure, comment dire, que c'est que quand on rencontre quelqu'un qui n'est pas mutilé, qu'on tombe amoureux, ça limiterait énormément la possibilité de tomber amoureux. Non, hein. Et n'est pas mutilé. Parce qu'il y a en plus là derrière quelque chose un peu d'une d'une interprétation 68 tard de la psychanalyse qui est très mécaniste, quoi. Enfin bon, oui, je suis désolé de mettre le pied dans le plat, mais c'est la dissensus, ça fait partie aussi. C'est très bien, j'en suis ravi. C'est pas la question, parce que quand j'ai dit, il ne s'agit pas de rencontrer quelqu'un qui n'est pas mutilé. Non, mais tu as dit qu'on tombait amoureux lorsqu'on rencontrait quelqu'un qui n'était pas mutilé. Oui. Je crois que chacun a fait l'expérience dans sa vie qu'on peut tomber amoureux avec quelqu'un. Enfin, et c'est pour ça que qu'est-ce qu'on entend par mutilé ou pas mutilé, quoi. Il s'agit de savoir si on se considère comme étant morcelable, petit morceau. Je fais de la musique, je lis des bouquins, je fais du jardinage, je cuisine bien. Je suis un athlète, un pentathlète, un décathlète. Je multiplie les compétences, mais ce n'est pas de multiplier les compétences, c'est qu'il n'y ait pas de multiples compétences à additionner et empiler, mais à être quelqu'un qui, à tort ou à raison, se présente comme tel. Et quand je parlais de Debord, c'est vrai que quand il disait qu'il s'agissait de savoir quand il rencontrait les gens, ce monsieur avait tous ceux qui l'ont rencontré reconnaissent qu'il y a de moins de qualité. C'est nous sommes tous traversés par ce que fait de nous ce type de société. Et bon, après, on pourrait remonter avant le capitalisme, comment ça se passait, etc. Et ce qui fait. Enfin bon, moi, ça me gêne cet emploi du terme de mutilation, parce que bon, je vois bien qu'il y a quelque chose qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, mais ça me paraît être très, très, très réducteur. Quoi, tu sais bien que lorsque tu es dans une entretien d'embauche, on ne considère en toi que la possibilité de remplir la tâche qu'on attend. Non, mais c'est pas de mutilation, je suis absolument ton ami. Quoi. On ne peut pas. C'est pas parce que. Non, si on parle de mutilation, de ne pas avoir l'homme entier. Hein? Point. L'homme avec H majuscule, ça va de soi. Je crois pas du tout à ça. Parce que. Pardon. Ce sentiment amoureux, ou la cité rocamante, ou ce qu'il appelle au moins, lui, là, je suis sûr. C'est le sentiment romantique qui est très valorisant, un sentiment qui exprime un rapport non instrumental à l'autre. Et ça renforcerait ton analyse, par exemple, hein, et où le big data ou le net data, ça fait une différence, mais tu l'as présenté brillamment, quoi. On doit, pour que ça fonctionne, c'est comme une nécessité intrinsèque, aligner de manière instrumentale des rapports, des données, tout ce qu'on veut mettre ensemble. Et pour ce sentiment amoureux dans la tradition du coup critique des romantiques, donc critique de la rationalité et de la raison instrumentale, il n'y a pas de place parce que ça rentre pas dans une configuration pareille. Et ça ne veut pas dire que l'être humain considéré est a priori mutilé. À partir du moment où on rencontre quelqu'un. Attends. Donc, je reprends ton exemple, l'entretien d'embauche. Mais évidemment, si on a un entretien d'embauche, on est là comme marchandise de force de travail. Absolument. Voilà. Tant mieux que les gens soient conscients où ils ont mis les pieds, à quelle fin on met les pieds dans le bureau d'un recruteur. C'est pas une mutilation. Si. C'est même un signe de lucidité. Non. De pas y aller. Moi, je vais chez les copains pour aller. Le recruteur ne voit que la puissance de travail. C'est une mutilation. Ça oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand tu vois l'autre que comme objet, comme marchandise, et que l'autre se coule dans le moule de la demande sociale. Moi, ce qui me gêne dans le débat, c'est qu'il n'y a pas de problématisation. Je voudrais, par exemple, si on parle de ces questions de mutilation, moi je préfère de proposer. proposer, par exemple. Bon, c'est un peu, enfin, le premier séminaire de Ansel lundi dernier, je suis intervenu à la fin, parce que une des choses qui court, par exemple, c'est la question de la pulsion de mort. Chez Freud. Or, quand on étudie vraiment les textes de Freud, Freud l'avance dans le Prince du plaisir en 1920, bon, c'est quelque chose qui ne tient absolument pas la route. Et c'est dangereux, par exemple, d'employer ce concept entre guillemets, parce que moi je pense que c'est un concept qui ne tient absolument pas la route, je pourrais l'expliquer mais ce serait trop long. Ça forge en quelque sorte une nature humaine. C'est de tout temps, quoi, il y a la pulsion de mort. En fait, Freud n'a pas du tout compris ce qui s'est passé dans le monde occidental. Et je ne rentre pas là-dedans, ce serait trop long. Mais je préfère à ce moment-là dire, par exemple, que ce qui aujourd'hui. Par exemple, pourquoi ça marche, mythique, etc. Alors que les gens qui vont là-dessus ont eux-mêmes un doute, bien évidemment. Parce que c'est un rapport instrumental, tout simplement. Voilà, et je préfère dire à ce moment-là, introduire les concepts suivants, c'est qu'il y a l'imaginaire capitaliste occidental, il est structuré par la rationalité calculatrice. D'accord. Voilà. Et c'est ça qui structure, je fais ce geste en même temps, ça structure à quasiment 100% l'imaginaire du sujet capitaliste. Moi, je valide l'expression, il n'y a pas de souci. Ça permet d'aller loin dans la réflexion, plutôt que de dire mutilé ou pas mutilé. C'est bien que les intervenants répondent. Oui, Philippe avait demandé la parole. On a encore des. Je suis désolé de brusquer un petit peu, mais je ne voudrais pas qu'on mutile la dernière partie de l'après-midi. Alors, est-ce que les intervenants peuvent répondre, Guillaume, Philippe et Renan? Et puis ensuite, j'avais pris l'idée de mutilation dans un sens assez basique, c'est-à-dire que si on considère que l'enfant il naît en étant autonome intellectuellement et culturellement, et en plus il y a des certains trucs de Chomsky et du cercle de Ciel qui montrent qui montreraient, parce qu'il faut apprendre avec des pincettes, que précisément avec une immensité de grammaire potentielle dans la tête, et puis finalement on apprend en gommant toutes celles qui ne sont pas valides dans la langue des parents. Bon, c'était uniquement dans ce sens-là. Après, quand tu as dit masque, je trouve que ça fait juste penser à une anecdote qui est assez étonnante, c'est que deux des interventions les plus dures, on peut dire, que j'ai fait avec des gamins qui étaient très violents dans des rêves, c'est des gamines, enfin une qui s'appelle Kirsten, qui s'appelle Kumba, quand on leur a demandé, c'est simplement c'est elles qui ont exprimé ce qu'elles n'allaient pas, et elles ont pris comme mot hypocrite. Elles n'ont pas dit violence, elles n'ont pas dit que c'était de la merde, c'est pas ça. Elles ont dit hypocrite. Hypocrite, ça veut dire masque. Ouais. Et puis quant à ce qu'a dit Ronan, moi, il y a quand même certainement, ça m'a fait penser quand même au camarade Fourier. Qui appariait Fourier, c'était le mythique du 19e siècle. Il y avait quand même une idée, il y avait quand même un minimum de nombre. Il y avait une masse critique. Oui, parce qu'il n'y avait pas encore le big data. Il y avait juste le phalanstère data. Mais ça ne marchait pas avant. Ça marchait pas avant. Guillaume, je crois que tu voulais. Oui, je veux bien essayer de dire quelque chose, alors après, je suis un peu gêné, parce que là, ouais, de la phénoménologie du même en passant par l'histoire des systèmes de pouvoir, la spectacularisation, l'anthropologie politique, la définition de l'amour, enfin, je veux bien répondre à tout. J'aimerais bien pouvoir répondre. Non, essayer de faire une sorte de mettre tout ça dans un pot et de secouer un peu. Plusieurs choses dans ce cas-là, je vais essayer d'être assez bref, c'est pas mal quand on dit ça. Sur la question de la technologie comme accumulation, pas seulement d'argent, mais de pouvoir, et même de puissance, c'est quelque chose que je défendrais assez volontiers, hein, le fait que toute chose égale par ailleurs. La bombe atomique, s'il faut 5 ans pour la produire avec 30 000 personnes qui ne font que ça, bah, ça va représenter socialement cette puissance-là accumulée jusqu'à un certain point. Donc c'est pas seulement des questions d'accumulation en effet de valeur, mais aussi de capacité d'action, d'agir dans la société. Alors sur les questions de société de ciblage, je crois que l'un des derniers termes qu'emploie Chamaillou, c'est société de ciblage, profilage, ça veut exactement dire ce dont vous parlez, hein, je pense que ça fonctionne bien. Mais il me semble que là, on a une étape de radicalisation supplémentaire, ce que je veux dire, c'est assez tarte à la crème jusqu'à un certain point, hein, mais dans le sens où désormais, grâce à ça, on peut à la fois percevoir les normes sans les édicter en amont, et en même temps percevoir les écarts avec ces normes, ce qui du même coup va produire par effet de rebond ce qu'on voit beaucoup dans le cas des sites de rencontres sexuelles, le fait que l'individu lui-même va se vivre comme, même si j'aime pas trop l'histoire de mutiler, mais en tout cas va lui-même rentrer dans quelque chose, se vivre comme une entreprise et donc se mutiler pour apparaître comme ça. Je crois que c'est, j'imagine tu connais ça très bien, mais c'est le livre misèresexuelle.com où le journaliste prend cet exemple, il a fait cette expérience apparemment, alors je peux aller vérifier, mais j'imagine que ça semble assez tout à fait réaliste, où il s'est créé sur je sais plus quel logiciel de rencontre pour adolescents un profil avec une photo d'une ado un peu mignonne. Et il dit, quand vous faites ça, bah, ouvrez votre parapluie pour vous protéger des kilomètres de photos de bites que vous allez recevoir. Et là, à mon avis, c'est vraiment quelque chose de cet ordre-là. On n'est même plus dans l'univers de l'entretien d'embauche. On va présenter qu'une partie de soi. Enfin, là c'est même... Enfin, oui, clairement, là, c'est vraiment l'idée qu'on est dans cette efficacité pure. Il n'y a qu'une chose qui importe. Et donc, on va rentrer dans rationalité instrumentale, capitaliste, tout ce qu'on veut. Hein. Il me semble que ce qu'il y a derrière, c'est bien cette idée que... pour le capitalisme et le fonctionnement, y compris technologique, du monde actuel, on ne peut pas conserver la totalité de ce qui fait que l'humain est humain. Parce que ça merde, parce que des fois on n'est pas d'accord, parce que là on est à la bourre et qu'on ne devrait pas l'être, et que je ne sais pas quoi, et qu'il y a toujours des trucs, qui, ça frotte, ça racle, ça grippe, ça ne fonctionne pas exactement comme on veut. Et que donc à partir de là, le discours sur l'efficacité, la rationalité, c'est quelque chose qui vise à gommer ça le plus possible. Mais il me semble que là-dedans, je ne sais pas si c'est le je ne sais quoi de Jean Kelevitch qu'on perd ou autre chose, hein, mais petit à petit, on en vient à éliminer ce qui apparaît comme n'étant pas le plus central, mais au fond, qui en fait l'était à mon sens réellement. Je me souviens de cette anecdote, c'est pas une anecdote, je crois que c'était dans les belles histoires que mes parents me lisaient ça. Je sors toujours cette histoire parce que ça m'a pas mal marqué. C'était un conte, hein, en gros, d'un type qui avait ce pouvoir génial. Il avait, je sais pas si c'était un pistolet magique ou quoi, il pouvait tuer les heures des gens. Et donc on venait le voir en lui disant, moi là je vais aller chez le dentiste, j'en ai pour 2 heures, je vais en chier et tout, donc si tu peux me tuer ces 2 heures, c'est super. Et donc blam blam avec son pistolet, il tuait les heures. Et en fait, comme ça, de fil en aiguille, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent le voir, on lui demande de tuer toutes ces heures. Et la morale de l'histoire, c'est qu'au final, les gens revenaient le voir en lui disant, mais t'as tué toute ma vie, c'est pas possible, j'ai pas vécu en fait. Parce que ce qui fait qu'à un moment donné, les choses ont du sens, c'est bien que. Alors je suis pas en train d'avoir une morale du sacrifice en disant qu'il faut porter une croix, que c'est terrible, qu'il faut suer sang et eau et que ce sera comme ça qu'on trouvera le sens de sa vie. Hein. Mais il me semble que le mythe de l'efficacité, de l'immédiateté, le fait de pouvoir accéder à tout de suite, c'est ce qui tue le sens des choses. Parce que vouloir accélérer la durée au point que précisément ça ne dure plus, j'ai envie d'avoir une connaissance sur ceci ou cela, hop, je tape et je l'ai immédiatement. Et encore, c'est presque trop lent parce qu'on n'a pas les bons mots, Google nous les propose et à terme, on va avoir vraiment pouvoir le faire directement. Il faudrait que mentalement, avec les Google Glass, je vois quelque chose directement, on me propose la réponse. J'ai même pas besoin d'avoir à y penser en amont, on me le propose déjà immédiatement. Il me semble que le fantasme qu'il y a derrière, même si ça renvoie à des questions ou débats sur pulsion de mort ou pas, je suis pas sûr d'être totalement freudien, mais en tout cas, il me semble qu'il y a quelque chose de mortifère là-dedans. Parce qu'au fond, ce qui dure, c'est la morale de cette belle histoire-là en question, c'est précisément la vie. Vouloir abolir la durée, vouloir arriver à tout immédiatement, ben c'est abolir le sens que peuvent avoir les choses. Donc à mon avis, il y a vraiment quelque chose de mortifère dans le fantasme contemporain. Et je ne sais pas quel serait le bon critère, mais c'est vrai que disons que j'ai le sentiment qu'on peut avoir un peu de mal aujourd'hui à savoir à partir d'où est-ce qu'on peut critiquer quelque chose, parce que j'accepte tout à fait à ce qui a été présenté tout à l'heure sur le fait que ça marche quand même assez bien. Enfin, on peut le déplorer, parler d'aliénation, tout ce qu'on veut, mais il y a quand même plein de gens qui se précipitent à l'ouverture de n'importe quel nouveau magasin Apple pour être les premiers à choper le machin. Enfin, c'est des milliers et ça se précipite beaucoup plus que pour venir dans cette salle. Donc clairement, il y a des choses qui fonctionnent à mon avis très bien. Mais il me semble qu'il y a un point sur lequel on peut, et je pense que c'est pour ça que le système marche très bien aussi, c'est la question du bonheur. Alors, du point de vue historique, c'est pas vrai que toutes les sociétés ont recherché le bonheur. Il y a plein de sociétés où l'important, c'est pas d'être heureux, c'est de faire ce que les dieux veulent, faire de ce qu'il faut pour accomplir sa destinée ou je sais pas quoi. Bon, on vit plus dans cet univers-là, mais en même temps, c'est pas anodin non plus. Enfin, je sais que vous aviez traversé ça à une époque. Hein. L'émergence de l'idée d'un bonheur, c'est aussi l'idée d'un bonheur obligatoire, comme étant un devoir de la société. Être malheureux, c'est un refus, on va soigner ça à coup de médoc si les gens sont pas heureux. Oui, on peut le formuler là, mais enfin bon, bref, c'est ça. Formulé, oui, mais enfin bon, on peut le discuter, mais volontiers, pourquoi pas. Mais il me semble qu'en tout cas, malgré tout, j'aurais envie de conserver quelque chose de cette idée de bonheur. rattaché à l'idée d'émancipation, en disant ça marche, mais la question à se poser, c'est est-ce que les gens, non pas le veulent, parce qu'on peut vouloir plein de choses, et on peut même vouloir être capot dans un camp de concentration, parce qu'on est mieux traité que d'autres, mais est-ce que ça rend heureux vraiment? Et là, j'ai le sentiment qu'on peut avoir, je ne sais pas si une anthropologie un peu moins pessimiste, mais en tout cas quelque chose à partir duquel il est plus facile d'élaborer des critiques. Peut-être que c'est dur jusqu'à un certain point de désarmer des discours qui disent que bah, grâce à la connectivité générale, tout le monde sera heureux, etc. Mais voilà, en le regardant assez concrètement, nous avons testé ça depuis les années 90, aujourd'hui Internet est massifié, est-ce que tout le monde est heureux? Est-ce que les choses ont évolué dans ce sens ou quoi? Donc, c'est en même temps complètement trivial, et voilà, je n'ai pas... De la même manière que quand tu parles de la durée, à la fois il faut réduire la durée, mais les mêmes personnes qui travaillent à réduire perpétuellement la durée, travaillent, ils sont en quête d'immortalité, comme dit Gamèche 3000 ans avant Jésus-Christ. Oui, complètement. Et tout en cherchant cette immortalité, ils suspendent même leur existence, puisqu'il faut passer son temps à se regarder et à regarder comme on est. Excuse-moi, je t'ai dit. Non, mais j'avais fini, merci. Le fait qu'on puisse remettre en cause la pulsion de mort chez Freud n'empêche effectivement pas de comprendre, mais ça c'est une donnée du capitalisme contemporain. Moi je soutiens que le capitalisme est devenu une civilisation, grosso modo en Occident, pour plein de raisons, et que ce faisant il y a eu un retournement de ce qui constituait la civilisation occidentale par le passé. Et ce qui, une des caractéristiques très fortes, à mon sens, du capitalisme contemporain aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas seulement mortifère, il avance une érotisation de la mort. C'est-à-dire qu'il rend la mort désirable. Et ça, on peut y mettre une datation, c'est 1945, c'est-à-dire c'est Hiroshima, c'est Auschwitz, c'est la Big Science, etc. D'ailleurs, moi je pensais tout à l'heure, tu es intervenu là-dessus, c'est-à-dire que ce qui caractérise une critique ésotérique du mode de connaissance scientifique, moi je n'aime pas le mot science, du mode de connaissance scientifique, c'est que justement, ça évacue tous les caractères sensibles au profit d'une commensurabilité, d'une objectivité, etc. Et ça participe, il y a une identité de structure entre le mode de connaissance scientifique et le capitalisme, mais une identité très très forte, quoi. Et ce qui me fait moi parler de triple alliance entre, qui se noue entre 1850 et 1900, quoi. Ça rejoint ce que tu as pu écrire, les travaux de François Jarige, etc. Et ça, le nec plus ultra de ce qui se produit à ce moment-là, c'est l'eugénisme. Et c'est l'eugénisme de masse qui est d'ailleurs, c'est une chose aussi qu'il faudrait beaucoup de temps pour expliquer, mais qui fait que le nazisme, il ne débarque pas dans les années 30 comme ça en Allemagne. Les principaux caractères du nazisme, ils sont déjà là présents en Allemagne et dans d'autres pays, mais surtout en Allemagne, dans les années 1900 déjà. Et ce qui, justement, ce que cet imaginaire structuré par la rationalité calculatrice permet, c'est que ça, ça permet de transgresser un des tabous fondateurs de tout lien social, de toute société, de toute civilisation, c'est le tabou du meurtre, le tabou de l'inceste, et puis le respect du mort, quoi. Bon, ou l'anthropophagie, l'interdiction de l'anthropophagie. Et parce qu'il y a aussi d'autres choses. Mais l'eugénisme, ça a été ni plus ni moins que la légitimation de la transgression de ce tabou fondamental qui est le tabou du meurtre de masse en l'occurrence. Et là, cette civilisation passe. Elle passe. Elle franchit un cap extrêmement important. Et finalement, toujours dans le mode de connaissance, il y a toujours cette question qui est faite. Il faut toujours trouver une solution. Tout n'est qu'un problème, il faut trouver une solution, et pour ça, concernant les humains, on va les classifier et finalement les sélectionner. Et donc, à la base de ça, il y aura toujours une solution finale. Je dis bien une solution finale dans ce type de rationalité là, qui a vraiment une identité. C'est, et ça, je termine par une chose, c'est que là, à mon avis, il y a à creuser, comme a été creusée une étude ésotérique du marxisme, il y a à creuser une étude ésotérique du mode de connaissance scientifique, parce que là, on n'a que quelques devanciers, dont Michel-Henri, évidemment. Jean-Marie, quand même. Oui, bien sûr. Et puis aussi, on oublie Olivier Rey, hein, itinéraire de l'égarement. Et puis, un physicien qui a été jusqu'où il pouvait aller, il s'appelle François Lursa, mais on ne peut pas demander à un physicien de complètement aller, mais si on lit ses livres, c'est vraiment aussi dans cette optique-là. Bon, et donc une critique aussi ésotérique de la psychanalyse. Quoi. Ces trois choses-là sont extrêmement importantes. On fait une petite pause. Juste pour tu demandais par rapport à quoi est-ce qu'on peut critiquer la société contemporaine. Au risque de paraître un peu naïf, je pense que Michel-Henri dans La Barbarie montre que c'est au nom de la vie, au sens phénoménologique, et que justement là, dans ce sens-là, on peut voir toute la mutilation qui implique le fait de devoir se conformer à une mutilation. Oui, il parle d'écrasement de la subjectivité, parce qu'il n'y a pas de disparition. Oui, bien sûr. Les postmodernes, on se parle souvent de disparition. Oui. Mais ça ne disparaît pas. Oui, bien sûr. C'est écrasé. Alors que le malheur. Alors que la mutilation, c'est quelque chose d'un peu définitif. Et ça, c'est hyper important, parce que ceux qui ont vécu, par exemple, les 68, ils savent très bien que l'imaginaire, justement, des individus peut se retourner en quelques heures, quelques jours ou quelques heures. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas... C'est pas... Oui, même si, aujourd'hui, cet imaginaire est structuré par cette rationalité calculatrice, ça arrive, et on le sait dans l'histoire, quand on étudie l'histoire, quoi, et quand on l'a vécu encore plus, que même cet imaginaire que moi, je vomis, quoi, bon, mais dont je suis aussi je m'en aperçois tous les jours, hein, dont je suis aussi porteur, quoi, comme on pourra dire, eh bien, ça peut. Il faut l'avoir vu, quoi. Il faut l'avoir constaté, mais massivement, quoi. Massivement chez les gens. Que ça se retourne complètement, quoi. Complètement. Juste un mot sur la vie, tout de suite, c'est très bref. Philosophiquement, je ne dis pas que je ne suis pas d'accord, il y a plein de choses très intéressantes chez Henri, mais à mon sens, stratégiquement, c'est complètement foireux de défendre ça aujourd'hui. Enfin, voilà, ce serait juste mon point. À mon avis, aller dans ce sens-là, je pense que c'est très compliqué de porter des discours. On peut très bien critiquer la société actuelle simplement au nom du futur qu'elle porte. Je pense que c'est beaucoup plus simple, et puis pour le coup, politiquement, c'est vachement. Mais quel futur ? On aura l'occasion de ça ouvre le conflit comme élaboration de quelque chose d'autre. Justement, c'est ça qui est intéressant.